sais sans jupon, t'es mon alerte à Malibu. Je suis la môme, micro-sillon, la miss playback audiovisuelle. Celle qui contrôle tes émotions et qui renifle tes poubelles. Dans l'écran bleu, je pose ma gueule, bien décorée par mon lifting. Je chante l'amour, je me sens seul, un peu castré, beaucoup casting. Je suis la princesse des gogos, ta belle pouliche anorexique. Toi tu transformes ta libido, tu es un fan neurasthénique. Moi ce qui me fait jouir c'est les dollars à poil sur ton ordinateur. Je pose mon cul dans ton miroir et toi tu bandes sur mes couleurs. Tu fais la queue pour mes concerts, ça te change de ton supermarché. C'est moi ta chanteuse populaire, l'ancienne pucelle invertébrée. Je me couche sur mon opium, tu fumes ton joint dans un bar louche. Boulevard des clips, j'ai l'air d'une conne, l'animateur m'en met une couche. Je danse avec Mister Zombie aux foucoteries dominicales. Avec mon copain patchouli, avec la dose que je trimballe. Je suis la reine de la télé, moitié saucisse, moitié blondasse. Je suis la blonde décoloré, un peu stressé quand je tire la chasse. Je suis la môme bande néon, celle qui ramasse tous les cocus. Je suis ta gonzesse en caleçon, tu es mon boy, je n'en peux plus. Je suis la môme au gros nichon, la miss playback audiovisuelle. Celle qui contrôle tes émotions et qui renifle tes poubelles. Tu fais la queue pour mes concerts, ça te change de ton supermarché. C'est moi ta chanteuse populaire, l'ancienne pucelle invertébrée. Merci Jean-Pierre.